D'après la presse sud-coréenne, les bellicistes sud-coréens s'adonnent frénétiquement dès le début de la nouvelle année aux exercices militaires fratricides. Le nouvel an, le ministre sud-coréen de la Défense nationale a parlé de la menace de provocation du Nord et prétendu que l'armée ne doit point hésiter dans une telle situation et qu'elle ne doit observer que les ennemis. Ce jour-là, le chef du commandement unifié des armées sud-coréennes a contrôlé l'état de préparatif de guerre de l'armée à bord d'un AWACS au-dessus des 5 îles de la mer de l'Ouest de Corée, Poncho, et de la péninsule de Taehan et la mer de l'Est de Corée. Par ailleurs, les forces terrestres sud-coréennes ont organisé dès le début de la nouvelle année dans 6 régions les exercices de tir à obus réels par corps d'armée pour exterminer on ne sait qui. Le chef de l'état-major général de l'armée de l'air sud-coréen a pris le 2 un avion de combat pour commander le vol au-dessus de la mer de l'Est de Corée avant de faire sortir les avions de combat en alerte pour livrer les exercices d'accomplissement de missions d'interception tactique. Les navires sud-coréens ont aussi mené les exercices mobiles accompagnés des tirs réels. En dirigeant ces exercices, le chef de l'état-major général de l'armée de mer a souligné d'observer seulement le front. À l'appel de leur commandant, les militaires ont crié « riposte résolue », « défense des îles au nord-ouest », « défense de la ligne de limite nord » et « riposte réfléchie conditionnelle aux provocations des ennemis ».